Chapitre 15e. Je marchais longtemps, toujours escorté de mes ennemis, les moustiques, sans pouvoir à cause d'eux me décider à faire le moindre croquis. Après une descente très rapide, j'arrivai près d'un torrent où j'allais bien vite me désaltérer et me laver les pieds et les mains. Son eau, coulant sous les arbres et toujours dans l'ombre, était pourtant chaude, du moins presque tiède. J'appris plus tard que ce torrent était la limite d'une certaine quantité de terrain accordée par le gouvernement à une petite tribu indigène, les Puris. J'étais en ce moment sur leur territoire. Je vis quelques plantations, des ricins, des orangers, des citronniers et des champs de manioc. Quand je parus dans le voisinage des cases, les femmes et les enfants se sauvèrent à toutes jambes. Les hommes, plus hardis, tinrent ferme, mais parurent fort étonnés, surtout à la vue de mes collections d'insectes, sorte de curiosité tout à fait inconnue chez eux. Je ne remarquai d'ailleurs rien d'hostile dans leur façon de m'examiner, loin de là, voyant que, grâce à la trêve que me laissait l'éloignement des moustiques, j'allais préluder à mon déjeuner en ramassant quelques oranges sur le sol. Deux de ces Indiens, armés d'une grande perche, vinrent vers moi, firent tomber une demi-douzaine de ces beaux fruits et me les offrirent avec la meilleure grâce du monde. Dès que je fus assis sous les orangers, mes deux nouveaux amis prirent sur eux de s'approcher encore plus près de moi. Mon couteau de chasse, mes flacons pleins d'insectes, mon couteau à plusieurs lames, les préoccupaient beaucoup. Il était déjà tard. Le soleil avait fourni les deux tiers de sa carrière et moi j'avais bien autant de chemin que lui à faire pour retourner à mon gîte. Je rentrai dans la forêt, en notant du regard les sites qu'il serait le plus intéressant de peindre. Quand j'arrivai chez le seigneur X, il était nuit sombre, mais personne ne s'y inquiétait guère de moi. Les jours suivants, je me familiarisais de plus en plus avec la forêt, sans rien perdre de mon admiration. Je me désignais à l'avance tel tronc d'arbre, telle plante que je me proposais de copier. Mon habitude était de porter mon déjeuner avec moi, et une partie de ma journée se passait à l'ombre, toujours harcelé par les moustiques, toujours défendant mes provisions contre les fourmis. J'avais ajouté à mes collections les orchidées. Une fois, j'en apportais en si grand nombre que j'y gagnais une courbature. Au retour des bois, j'allais passer une heure dans la plus délicieuse petite rivière du monde. J'y trouvais un sable très fin, des arbres touffus au-dessus de ma tête, des fleurs pendantes de tous les côtés. Le soleil descendait, et je pouvais, après le bain, me reposer ou faire la chasse aux insectes. Enfin, malgré l'impossibilité où l'on m'avait mis de peindre des Indiens, de photographier, faute de porteur pour mes bagages, je trouvais moyen de réparer le temps perdu en faisant des paysages. Ou bien fatigué de courir les bois depuis l'aube, et ne me sentant pas la force de marcher encore, je m'asseyais sur l'herbe et je dessinais des feuilles. La variété ne me manquait pas. Je mettais ensuite une partie de ces feuilles dans un herbier, précaution dont je ne saurais trop me féliciter, car elle me sert beaucoup pour arriver à la vérité du moindre détail dans un grand tableau de forêt vierge que je fais en ce moment. Pendant ce temps, mon hôte eut l'heureuse idée d'agrandir sa maison. Pour lier sa nouvelle toiture avec l'ancienne, il fallut enlever celle de ma chambre et on la remplaça par une peau de bœuf trop étroite, ce qui me procura la visite du vent, de la pluie et de toutes sortes d'insectes. Chaque soir, j'étais condamné à une opération douloureuse. Il existe une espèce de puce imperceptible qui se glisse sous les ongles des pieds, entre dans la chair et dépose une petite poche remplie de ses œufs. On l'appelle communément tique. Ces horribles petites bêtes faisaient de mes pieds leur proie habituelle. Avant de pouvoir songer à dormir, il me fallait m'étendre sur mon matelas, et la vieille mulâtresse, armée d'un canif et d'une aiguille, fouillait mes doigts et s'ingéniait à extraire les poches, tandis que les mouches et autres insectes piqueurs, attirés par la chandelle, tourbillonnaient en sifflant au-dessus de moi, et me dardaient à me rendre fou. Leurs piqûres m'avaient fait enfler le nez et les yeux. Des milliers de coléoptères, par la même occasion, accouraient et se précipitaient sur tous les objets brillants. Je les prenais à poignées pour les jeter dehors. De leur côté, les odieux cancrelats ne me faisaient pas grâce de leur visite, et à leur sujet, j'eus l'occasion de faire une remarque curieuse. Un soir, j'avais peint une fleur rouge et un oiseau dont le ventre était de la même couleur. Le lendemain, tout le rouge avait disparu. Je rétablis cette couleur plusieurs jours de suite. Elle disparaissait chaque fois. Je suspendis le tableau à mon plafond, et au milieu de la nuit, allumant subitement ma chandelle, je surpris mes cancrelats acharnés à leur œuvre destructive. Pourquoi en voulait-il tant à la couleur rouge? Je n'avais pas besoin de ce dernier trait pour vouer à ces monstres une guerre à mort. Était-ce là, du moins, tous mes ennemis? Hélas, non. Des troupes de rats venaient vers minuit tout grignoter autour de moi. Une fois réveillé, je les combattais dans l'ombre à coups de bâton, ce qui ne m'empêchait pas, au chant du coq, de m'habiller et de partir.